évolue. Jusqu'à présent, pas de son fait pour ma mère. Donc c'est pas pour elle qu'il faut commencer à chanter. Vu mon géniteur maximum trois fois dans ma vie. J'espère qu'il ne reviendra pas le jour que j'aurai perçu. Fais à toi car tes gaffes ne sont pas des vrais. Ta petite sœur a grandi, c'est l'un des tiens qui vise l'affaire. Faire des sous à mort en savant de cacher mon œil. Pour les gens vieux, j'avais mon système 5 dans le portefeuille. La salle depuis minuit, parti braquer en scooter. Aucun soupçon sur moi sans savoir que j'étais l'auteur. Le vol c'était marrant mais j'avais pas beaucoup d'entrée. Investir dans la drogue et ouvert un four dans l'entrée. Dangereux était le produit, mais quand j'ai compté j'étais ravi. Rié par la brigade de nuit, se faire ses courses c'était le train de vie. Rêve de cause qui se réalise, un soin cas dans l'oreiller. À ce moment-là j'avais pas que j'allais connaître l'oreillette. Toujours les mêmes têtes que je voyais au parloir. Je m'en foutais des mandats, je voulais que des appels. 4 piges pour passer le temps, je remplissais des contrats. À ma sortie, je pensais pas que j'allais la perdre. Quelle vie!